cette caserne, on ne sort pas de ces murs gris. Il pleut toujours sur la Lorraine, et c'est peu dire que je m'ennuie. Alors je pense à mes copains, au petit bal du samedi soir. Une fille me tenait par la main, je donnerais tout. La revoir, une fille c'est mieux qu'un régiment, une jolie fille en jupon blanc. Elle m'écrit presque tous les jours, toutes ses lettres parlent d'amour. Une fille c'est mieux qu'un régiment, je sais que là-bas elle m'a. Je partirai d'ici, je l'emmènerai pour la vie. J'ai fait mes 3 jours de prison pour refus d'obéir aux ordres. Je n'ai pas eu de permission, j'étais de garde au mois d'octobre. J'avais des envies de flipper et des week-ends au bord de l'eau. Une fille m'avait donné son cœur, mais je la reverrai bientôt. Bientôt. Une fille c'est mieux qu'un régiment, une jolie fille en jupon blanc. Tous les jours, toutes ces lettres parlent d'amour. Une fille c'est mieux qu'un régiment, je sais que là-bas elle m'attend. Et quand je partirai d'ici, je l'emmènerai pour la vie. Une fille c'est mieux qu'un régiment.